On ne sait quel grincement étrange et alarmant vint jusqu'à lui. Il marcha du côté d'où venait ce grincement, et il vit une charrette avec des roues. Il approcha. Ce qui avait grincé le sentit venir. Il entendit un bruit sec, comme d'une chaîne violemment tendue, et brusquement, dans l'écartement des roues derrière, deux rangées de dents aiguës et blanches apparurent. En même temps qu'une gueule entre les roues, une tête passa par la lucarne. « Pella !» dit la tête. La gueule se tut. La tête reprit. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» L'enfant répondit. « Oui. Qui ? Moi. Toi. Qui ça ? D'où viens-tu ? » « Je suis là, » dit l'enfant. « Quelle heure est-il ? J'ai froid. Que fais-tu là ? J'ai faim. » La tête répliqua. « Tout le monde ne peut pas être heureux comme un lord. Va-t'en. » La tête rentra. Le vasissa se ferma. L'enfant courba le front et commença à s'éloigner. Un marchepied s'était abaissé. La voix qui venait de parler à l'enfant cria du fond de la cahute avec colère. « Eh bien, pourquoi n'entres-tu pas ?» L'enfant se retourna. « On te dit d'entrer, drôle !» Mais on gronda sur la voiture. Il recula. La gueule ouverte reparut. « Paix !» cria la voix de l'homme. La gueule rentra. Le grondement cessa. « Monte !» reprit l'homme. L'enfant, en effet, fit son entrée chez Homo et chez Ursus. On vit d'entendre gronder l'un et parler l'autre. « Entre !» l'homme entra. « Pose là ton paquet !» L'enfant posa sur le coffre son fardeau avec précaution, de crainte de l'effrayer et de le réveiller. « Tu as froid, chauffe-toi. Tiens, voilà des nippes. Tu as faim, mange. Pas si vite, horrible goinfre !» En ce moment, un cri lamentable et prolongé s'éleva dans la cahute. L'homme dressa l'oreille. « C'est dans le paquet qui gueule !» Puis, il considéra la petite. « C'est une fille. » Il prit sur le poil le pot où il avait du lait, rempli de ce lait une fiole. « Allons, soupe, créature !» La petite but avidement. Cependant, le garçon avait fini de souper. Ursus se tourna vers lui. « D'où viens-tu » L'enfant répondit. « Je ne sais pas. »« Comment, tu ne sais pas ? » ?»« J'ai été abandonné ce soir au bord de la mer. »« Ha ha ! Le chenapan ! Comment t'appelles-tu ? Il est si mauvais sujet qu'il en vient à être abandonné par ses parents. »« Je n'ai pas de parents. » « Tu as des parents, puisque tu as ta sœur. »« Ce n'est pas ma sœur. »« Ce n'est pas ta sœur. »« Non. »« Qu'est-ce que c'est alors ?»« C'est une petite que j'ai trouvée. »« Trouvée ? Oui. »« Comment ? Tu as ramassé ça ? Oui. »« Oh, si tu mens, je t'extermine. »« Sur une femme, qui était morte dans la neige. »« Quand ? Il y a une heure. »« Où ? À une lieue d'ici. » Ursus ouvrit la lucarne de l'arrière et examina le dehors. Le temps ne s'était pas amélioré. La neige tombait, épaisse et lugubre. Il referma le vasista. Il alla la vitre cassée, il boucha le trou avec un chiffon, il remit de la tourbe dans le poêle, il déploya, le plus largement qu'il put, la peau d'ours sur le coffre, prit un gros livre qu'il avait dans un coin et le mit sous le chevet pour servir d'oreiller et plaça sur ce traversin la tête de la petite endormie. Il se tourna vers le garçon. « Couche-toi là !» L'enfant obéit, et s'étendit de tout son long avec la petite. Ursus roula la peau d'ours autour des deux enfants et la borda sous leurs pieds. Il entrebâilla la porte et dit « Je sors. N'ayez pas peur. Je vais revenir. Dormez. » Et, abaissant le marchepied, il cria « Homo ?» Un grondement de tente lui répondit. On entendit un cliquetis de chaîne défaite et le bruit d'un pas d'homme compliqué d'un pas de bête qui s'éloignait. Quelques instants après, les deux enfants dormaient profondément.